Exercice 4, page 41. A. Je pars à Cannes. Je pars à Cannes et à Marseille. B. Je pars à Rome. Je pars à Rome et à Milan. C. Je pars à Lisbonne. Je pars à Lisbonne et à Porto. D. Je pars à Cologne. Je pars à Cologne et à Berlin. E. Je pars à Madrid. Je pars à Madrid et à Barcelone.